Steel. Ouais, ouais, négro, c'est encore un nouveau son de Cisco. Je peux pas te tester. Ouais, ouais. Studio du Blade Production. Écoute ça. Ok. Cisco. Je passe pas le temps à me gratter la tête. Les choses les plus simples font souvent perdre la tête. Lorsqu'une difficulté s'affiche, je me sens affecté. Mes premières impressions me poussent à m'échapper. À la vue du sensible, certains renonceraient à tout s'enflancher. Mais pour moi, je tiendrai le coup contre vents et marées. Peu importe ce qui se passe, je ne pourrai point flancher. Par ce rap, je garderai ma tête en toute occasion. La rime, c'est pas une fiction, c'est la marque de l'ascension. Je dois avouer que tout n'est plus clair quand on a peur. La peur de rire, d'oser pouvoir savourer un grand plaisir. Il faut pas se leurrer, faut rester dynamique, faut pas souffrir. Je crains rien autant que tu sais, c'est mon grand tremplin. Mais suis-je la plus susceptible à danser pour rien? Vais-je être catalogué dans une case d'agressif? L'authenticité n'est pas un gagne-pain à savourer au pif. À part le rap, mon cœur n'a plus de peine. J'ai trouvé un sens pour ne plus être la mauvaise graine. Un rap comme emblème pour mieux espérer. Le son qui fractionne chaque pose d'idées, je suis qu'un rappeur moins désespéré. J'ai pas encore compris pourquoi je vis ainsi. Je me force à transparaître les thèmes les plus marquants par écrit. Autant je peux rire, mon visage tremble et se mouille. Quoi vais-je douter que le potentiel en moi me souille? Je n'ai qu'à m'exprimer, venir plus près de mes craintes. Et si je réussis pas à faire un tube, je pourrais être sur cette beat. Renforcer de plus en plus les particularités de mon style. Faire rouler en éclats tout ce qui se rend inutile. Pas la force de ne jamais m'occuper, de voir plus clair. Ma passion qui est le rap s'ouvre comme dessert. Car je suis bel et bien un rappeur, aigle qui flaire. Hostile à faire perdurer mille et une mauvaise attention. J'en suis arrivé à être plein de fermeté contre mes passions. Je parle pour ces lignes et place chaque rime à témoin. Car je réclame toute l'attention du public à bon essaim. La vie est belle, ne flanche jamais pour que l'autre ait son pain. À part le rap, mon cœur n'a plus de peine. J'ai trouvé un sens pour ne plus être la mauvaise graine. Un rap comme emblème pour mieux espérer. Le son qui fractionne chaque pose d'idée. Je suis qu'un rappeur moins désespéré. On choisit pas l'endroit d'où on vient, surtout si on prend le long chemin. J'ai un maximum de respect envers les anciens. Mes frères, jamais je vous laisserai en chien. Je sais qu'on n'a jamais rien sans rien. Je sais que la violence ne fait pas le bien. Je sais que ton avenir ne fait pas le mien. Rien à foutre qu'on critique ma qualité de studio. Je porte déjà plein de jaloux sur le dos. Qu'on m'insulte de branleur, de délinquant ou d'idiot. T'inquiète frérot, on va faire ce qu'il faut. Remettre tout à niveau, même s'il faut repartir à zéro. Et pour porte-bonheur, 02 mon numéro. Désolé poupée, mais les souvenirs j'en ai trop. À part le rap, mon cœur n'a plus de peine. J'ai trouvé un sens pour ne plus être la mauvaise graine. Un rap comme emblème pour mieux espérer. Le son qui fractionne chaque pose d'idée. Je suis qu'un rappeur moins désespéré.